la poupe, mon cœur est plein de caporal. Ils y lancent des jets sur pas, mon triste cœur, ma femme pourquoi. Sous les colibets de la troupe qui poussent un rire général, triste cœur, baba la poupe, mon cœur est plein de caporal. Ils auront tari leur chic, comment agir au cœur volé. Ce ne seront que des refrains machiques. Quand ils auront tari leur chic, j'aurai des sursauts automatiques. Si mon cœur triste est ravalé, quand ils auront tari leur chic, comment agir au cœur volé. Triste cœur, baba la poupe, mon cœur est plein de caporal. Ils y lancent des jets de soba, mon triste cœur.